Présentation du Masters en fin de semaine. Pour les amateurs de golf, c'est la grande messe et on en parle avec Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour Danny, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Serge, j'ai bien raison de dire que c'est la grande messe hein, pour les amateurs de golf. Hein? Ah ben écoute, d'abord, ça nous met à penser que dans un mois et demi, on va pouvoir jouer ouais. Nous autres même. Là. Ouais. Ça nous approche du début de saison. Mais le Masters, c'est un classique. On dirait que le circuit de la PGA, quand tu commences l'année, puis là, tu arrives avec le premier tournoi majeur, le fameux veston vert, ben là, tu te trompes pas. Mm. Puis les meilleurs, la crème, sont tous là. Et on a vu même avec le par 3 cette semaine, avec Jack Nicklaus à 78 ans, Gary Player, 82 ans, était là, avec leur petit-fils, même le petit-fils à Nicklaus, qui a fait un trou d'un coup. Alors, c'est quelque chose là qui est comme mémorable. Quand tu penses au Masters, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux comme tournoi de golf, même si le US Open, le British Open, c'est important. Le Masters demeurera toujours ce qu'il y a de plus grand. OK, effectivement. Donc, on va surveiller ça. Bon, Patrick Reed est en tête actuellement. Au moment où on enregistre le podcast, il est 16h10. Patrick Reed est en tête à moins 3. Mark Leishman est à moins 3 également. Par contre, il faut surveiller McIlroy qui, lui, est à 71, donc est à plus 1. Et Speed, lui, est à plus 2. Ouais, mais c'est pas, ça va être toute une fin de semaine. T'sais, moins 4, McIlroy, excuse. Ouais, McIlroy est rendu à moins 4. Ouais. Qui va vraiment gagner le tournoi, le Masters? McIlroy est hot. Mm. Très hot, comme on dit, parce qu'il est revenu. Ça fait 2 ans qu'il y avait un petit peu de misère. Le retour de Tiger a suscité un intérêt monstre. Ouais. Est-ce qu'il va être bon pour jouer en fin de semaine? Je ne sais pas. Puis Phil Mickelson non plus. Il y a un coup désastreux, je pense, au 9e, hein? Oui, puis c'est pas rien que ça. Il a fait un triple. Okay. Mais oublions pas que Jordan Spieth, en commençant ce matin, il a fait un double au 1, puis un bogey au 2, puis là, il s'est replacé. Alors, tu vois là que Justin Thomas peut rebondir, Dustin Johnson peut être là également, Henrik Stenson peut être là également. Il y a beaucoup, beaucoup de golfeurs qui peuvent gagner le Masters. Évidemment, on va oublier Sergio Garcia, qui lui a fait une gaffe, mais une gaffe comme on voit rarement. Moi, je suis pas un bon golfeur, j'aurais jamais fait ça probablement. Il a fait 13 sur un par 5. OK, Il s'est sorti du tournoi la première ronde, c'est lui qui a gagné l'année passée. Alors, ça prend pas grand-chose des fois. C'est parce que les coups qu'il faisait tombaient sur le verre. Mm. Mais il y avait comme un genre de retour, puis la balle tombait dans l'eau. Il a fait ça 4 fois. Alors, à un moment donné, Garcia, on oublie ça pour cette année. Qui va gagner? Je ne sais pas. Moi, j'avais choisi McIlroy. OK. Mais ça peut être Speed. Puis ça peut être d'autres golfeurs très bons. Patrick Reed, là, il est à surveiller parce que c'est un excellent golfeur. Puis il a une bonne année à part ça. OK. Tiger, la cote, tu l'as mentionné, ça va être difficile, hein? Bien, Tiger et Phil, ça va être difficile pour une raison. Ça va dépendre de la fin de la journée, là. Ouais. S'il y a des joueurs qui se rendent à moins 6, moins 7, bien, Tiger et Phil ne joueront pas en fin de semaine. Ce serait une déception. Ce serait une grande déception, je pense. Ben, surtout Tiger qui avait tellement attiré. Tu l'as? Oui. Et okay. Là, le problème qu'il y a eu, c'est que il n'a pas été capable de jouer à son meilleur parce qu'il a bien débuté l'année. Mais on verra qu'est-ce qui va arriver. Là, pour le moment, ils sont juste pour faire la cote en fin de semaine. OK. Ben, Serge, on s'en parle lundi pour avoir un résultat complet de ça. Absolument. Puis souviens-toi que moi, j'ai pris McIlroy, puis il sera pas loin de la tête. Effectivement. Serge Cloutier, notre collaborateur de golf.